Cinquième chapitre. Hugues le loup à mon ami Joseph Félix Halley. Vers les fêtes de Noël de l'année 1800, un matin que je dormais profondément à l'hôtel du Cygne à Tübingen, le vieux Gédéon Sperber rentra dans ma chambre en s'écriant « Fritz, réjouis-toi, je t'emmène au château de Nideck, à 10 lieues d'ici. Tu connais Nideck, la plus belle résidence seigneuriale du pays, un antique monument de la gloire de nos pères. » Notez bien que je n'avais pas vu Sperber, mon respectable père nourricier, depuis 16 ans, qu'il avait laissé pousser toute sa barbe, qu'un immense bonnet de peau de renard lui couvrait la nuque et qu'il me tenait sa lanterne sous le nez. « D'abord, m'écriai-je, procédons méthodiquement. Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Comment ? Tu ne reconnais pas Gédéon Sperber, le braconnier du Schwarzwald ? Oh, ingrat ! Moi qui t'ai nourri, élevé, moi qui t'ai appris à tendre une trappe, à guetter le renard au coin d'un bois, à lancer les chiens sur la piste du chevreuil, ingrat, il ne me reconnaît pas. Regarde donc mon oreille gauche qui est gelée. À la bonne heure, je reconnais ton oreille gauche. Maintenant, embrassons-nous. » Nous nous embrassâmes tendrement, et Sperber, s'essuyant les yeux du revers de la main, reprit « Tu connais Nideck, sans doute de réputation. Que fais-tu là ? Je suis premier piqueur du comte. Et tu viens de la part de qui ? De la jeune comtesse Odile. Bon, quand partons-nous ? À l'instant même, il s'agit d'une affaire urgente. Le vieux comte est malade et sa fille m'a recommandé de ne pas perdre une minute. Les chevaux sont prêts. Mais, mon cher Gédéon, vois donc le temps qu'il fait. Depuis 3 jours, il ne cesse pas de neiger. Bah, bah ! Suppose qu'il s'agisse d'une partie de chasse aux sangliers. Mets ta rein grave, attache tes éperons et en route. Je vais faire préparer un morceau. » Il sortit. « Ah ! » reprit le brave homme en revenant. « N'oublie pas de jeter ta pelisse par là-dessus. » Puis il descendit. Je n'ai jamais su résister au vieux Gédéon. Dès mon enfance, il obtenait tout de moi avec un hochement de tête, un mouvement d'épaule. Je m'habillais donc et ne tardais pas à le suivre dans la grande salle. « Hé, je savais bien que tu ne me laisserais pas partir seul !» s'écria-t-il tout joyeux. « Dépêche-moi cette tranche de jambon sur le pouce et buvons le coup de l'étrier, car les chevaux s'impatientent. À propos, j'ai fait mettre ta valise en croupe. »« Comment ma valise ?»« Oui, tu n'y perdras rien. Il faut que tu restes quelques jours au Nideck. C'est indispensable. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. » Nous descendîmes dans la cour de l'hôtel. En ce moment, 2 cavaliers arrivaient. Ils semblaient harassés de fatigue. Leurs chevaux étaient blancs d'écume. Sperver, grand amateur de la race chevaline, fit une exclamation de surprise. « Les belles bêtes, des valaques, quelle finesse, de vrais cerfs. Allons, Niklaus, allons donc, dépêche-toi de leur jeter une housse sur les reins, le froid pourrait les saisir. » Les voyageurs enveloppés de fourrure blanche d'Astrakhan passèrent près de nous comme nous mettions le pied à l'étrier. Je découvris seulement la longue moustache brune de l'un d'eux et ses yeux noirs d'une vivacité singulière. Ils entrèrent dans l'hôtel. Le palefrenier tenait nos chevaux en main. Il nous souhaita un bon voyage et lâcha les rênes. Nous voilà partis. Sperver montait un Mecklembourg pur sang. Moi, un petit cheval des Ardennes plein d'ardeur. Nous volions sur la neige. En 10 minutes, nous eûmes dépassé les dernières maisons de Tübingen. Le temps commençait à s'éclaircir. Aussi loin que pouvaient s'étendre nos regards, nous ne voyions plus trace de route, de chemin, ni de sentier. Nos seuls compagnons de voyage étaient les corbeaux du Schwarzwald, déployant leurs grandes ailes creuses sur les monticules de neige, voltigeant de place en place et criant d'une voix rauque « Misère ! Misère ! Misère !» Gédéon, avec sa grande figure couleur de vieux buis, sa pelisse de chat sauvage et son bonnet de fourrure à longues oreilles pendantes galopaient devant moi, sifflant je ne sais quel motif du Freischutz. Parfois, il se retournait et je voyais alors une goutte d'eau limpide scintiller en tremblotant au bout de son long nez crochu. « Hé, Fritz ! » me disait-il, Voilà ce qui s'appelle une jolie matinée d'hiver. Sans doute, mais un peu rude. J'aime le temps sec, moi. Ça vous rafraîchit le sang. Si le vieux pasteur Toby avait le courage de se mettre en route par un temps pareil, il ne sentirait plus ses rhumatismes. Je souriais du bout des lèvres. Après une heure de course furibonde, Sperver ralentit sa marche et vint se placer côte à côte avec moi. « Fritz, me dit-il d'un accent plus sérieux, il est pourtant nécessaire que tu connaisses le motif de notre voyage. » J'y pensais, d'autant plus qu'un grand nombre de médecins ont déjà visité le comte. « Ah, oui, il nous en est venu de Berlin, en grande perruque, qui ne voulait voir que la langue du malade. » De la Suisse qui ne regardait que ses urines, et de Paris qui se mettait un petit morceau de verre dans l'œil pour observer sa physionomie. Mais tous y ont perdu leur latin et se sont fait payer grassement leur ignorance. Diable, comme tu nous traites! Je ne dis pas ça pour toi, au contraire. Je te respecte, et s'il m'arrivait de me casser une jambe, j'aimerais mieux me confier à toi qu'à n'importe quel autre médecin. Mais pour ce qui est de l'intérieur du corps, vous n'avez pas encore découvert de lunettes pour voir ce qui s'y passe. Qu'en sais-tu ? À cette réponse, le brave homme me regarda de travers. « Serait-ce un charlatan comme les autres ? » pensait-il. Pourtant, il reprit. « Ma foi, Fritz, si tu possèdes une telle lunette, elle viendra fort à propos, car la maladie du comte est précisément à l'intérieur. C'est une maladie terrible. » Quelque chose dans le genre de la rage. Tu sais que la rage se déclare au bout de 9 heures, de 9 jours ou de 9 semaines. On le dit, mais ne l'ayant pas observé par moi-même, j'en doute. Tu n'ignores pas au moins qu'il y a des fièvres de marais qui reviennent tous les 3, 6 ou 9 ans. Notre machine a de singuliers engrenages. Quand cette maudite horloge est remontée d'une certaine façon, la fièvre, la colique ou le mal de dents vous reviennent à minute fixe. Eh, mon pauvre Géléon, à qui le dis-tu? Ces maladies périodiques font mon désespoir. Tant pis, la maladie du comte est périodique. Elle revient tous les ans, le même jour à la même heure. Sa bouche se remplit d'écume, ses yeux deviennent blancs comme des billes d'ivoire, il tremble des pieds à la tête et ses dents grincent les unes contre les autres. Cet homme a sans doute éprouvé de grands chagrins. Non, si sa fille voulait se marier, ce serait l'homme le plus heureux du monde. Il est puissant, riche, comblé d'honneur. Il a tout ce que les autres désirent. Malheureusement, sa fille refuse tous les partis qui se présentent. Elle veut se consacrer à Dieu, et ça le chagrine de penser que l'antichrist des Nidec va s'éteindre. Comment sa maladie s'est-elle déclarée? Tout à coup, il y a 12 ans. En ce moment, le brave homme parut se recueillir. Il sortit de sa veste un tronçon de pipe et le bourra lentement. Puis, l'ayant allumé, « Un soir, dit-il, j'étais seul avec le comte dans la salle d'armes du château. C'était vers les fêtes de Noël. Nous avions couru le sanglier toute la journée dans les gorges du Rétal et nous étions rentrés à la nuit close, rapportant avec nous 2 pauvres chiens éventrés depuis la queue jusqu'à la tête. » Il faisait juste un temps comme celui-ci, froid et neigeux. Le comte se promenait de long en large dans la salle, la tête penchée sur la poitrine et les mains derrière le dos, comme un homme qui réfléchit profondément. De temps en temps, il s'arrêtait pour regarder les hautes fenêtres où s'accumulait la neige. Moi, je me chauffais sous le manteau de la cheminée en pensant à mes chiens. Et je maudissais intérieurement tous les sangliers du Schwarzwald. Il y avait bien 2 heures que tout le monde dormait au Nidec, et l'on n'entendait plus rien que le bruit des grandes bottes éperonnées du comte sur les dalles. Je me rappelle parfaitement qu'un corbeau, sans doute chassé par un coup de vent, vint battre les vitres de l'aile en jetant un cri lugubre et que tout un pan de neige se détacha. De blanches qu'elles étaient, les fenêtres devinrent toutes noires de ce côté. Ces détails ont-ils du rapport avec la maladie de ton maître? Laisse-moi finir, tu verras. À ce cri, le comte s'était arrêté les yeux fixes, les joues pâles et la tête penchée en avant, comme un chasseur qui entend venir la bête. Moi, je me chauffais toujours et je pensais, est-ce qu'il n'ira pas se coucher bientôt ? Car, pour dire la vérité, je tombais de fatigue. Tout cela, Fritz, je le vois, j'y suis. À peine le corbeau avait-il jeté son cri dans l'abîme que la vieille horloge sonnait 11 heures. Au même instant, le comte tourne sur ses talons. Il écoute, ses lèvres remuent. Je vois qu'il chancelle comme un homme ivre. Il étend les mains, les mâchoires serrées, les yeux blancs. Moi, je lui crie, « Monseigneur, qu'avez-vous ? » Mais il se met à rire comme un fou, trébuche et tombe sur les dalles, la face contre terre. Aussitôt, j'appelle au secours. Les domestiques arrivent. Zébald prend le comte par les jambes, moi par les épaules. Nous le transportons sur le lit qui se trouve près de la fenêtre. Et comme j'étais en train de couper sa cravate avec mon couteau de chasse, car je croyais à une attaque d'apoplexie, voilà que la comtesse entre et se jette sur le corps du comte, en poussant des cris si déchirants que je frissonne encore rien que d'y penser. Ici, Gédéon ôta sa pipe. Il la vida lentement sur le pommeau de sa selle et poursuivit d'un air mélancolique. « Depuis ce jour-là, Fritz, le diable s'est logé dans les murs de Nideck et paraît ne plus vouloir en sortir. Tous les ans, à la même époque, à la même heure, les frissons prennent le comte. Son mal dure de 8 à 15 jours, pendant lesquels il jette des cris à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Puis il se remet lentement, lentement. Il est faible, pâle, il se traîne de chaise en chaise, et si l'on fait le moindre bruit, si l'on remue, il se retourne. Il a peur de son ombre. La jeune comtesse, la plus douce des créatures qui soient au monde, ne le quitte pas, mais lui ne peut la voir. « Va-t'en, va-t'en » crie-t-il les mains étendues. « Oh, laisse-moi, laisse-moi, n'ai-je pas assez souffert ?» C'est horrible de l'entendre. Et moi, moi qui l'accompagne de près à la chasse, qui sonne du cor lorsqu'il frappe la bête, moi qui suis le premier de ses serviteurs, moi qui me ferai casser la tête pour son service. Eh bien, dans ces moments-là, je voudrais l'étrangler, tant c'est abominable de voir comme il traite sa propre fille. Sperver, dont la rude physionomie avait pris une expression sinistre, piqua des deux et nous fîmes un temps de galop. J'étais devenu tout pensif. La cure d'une telle maladie me paraissait fort douteuse, presque impossible. C'était évidemment une maladie morale. Pour la combattre, il aurait fallu remonter à sa cause première, et cette cause se perdait sans doute dans le lointain de l'existence. Toutes ces pensées m'agitaient. Le récit du vieux piqueur, bien loin de m'inspirer de la confiance, m'avait abattu. Triste disposition pour obtenir un succès. Il était environ 3 heures lorsque nous découvrîmes l'antique castel du Nideck, tout au bout de l'horizon. Malgré la distance prodigieuse, on distinguait de hautes tourelles, suspendues en forme de hotte aux angles de l'édifice. Ce n'était encore qu'un vague profil, se détachant à peine sur l'azur du ciel, mais insensiblement les teintes rouges du granit des Vosges apparurent. En ce moment, Sperver ralentit sa marche et s'écria « Fritz, il faut arriver avant la nuit close. En avant !» Mais il eut beau éperonner, son cheval restait immobile, arc-boutant ses jambes de devant avec horreur, hérissant sa crinière et lançant de ses naseaux dilatés 2 jets de vapeur bleuâtre. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria Gédéon tout surpris. « Ne vois-tu rien, Fritz ? Est-ce que... » Il ne termina point sa phrase, et m'indiquant à 50 pas au revers de la côte un être accroupi dans la neige, « La peste noire » fit-il d'un accent si troublé que j'en fus moi-même tout saisi. Et suivant du regard la direction de son geste, j'aperçus avec stupeur une vieille femme, les jambes recoquillées entre les bras et si misérable que ses coudes couleur de brique sortaient à travers ses manches. Quelques mèches de cheveux gris pendaient autour de son cou, long, rouge et nu, comme celui d'un vautour. Chose bizarre, un paquet de hardes reposait sur ses genoux et ses yeux hagards s'étendaient au loin sur la plaine neigeuse. Sperver avait repris sa course à gauche, traçant un immense circuit autour de la vieille. J'eus peine à le rejoindre. « Ah ça !» lui criai-je. « Que diable fais-tu ? C'est une plaisanterie ?»« Une plaisanterie ? Non, non ! Dieu me garde de plaisanter sur un pareil sujet. Je ne suis pas superstitieux, mais cette rencontre me fait peur. » Alors, tournant la tête et voyant que la vieille ne bougeait pas et que son regard suivait toujours la même direction, il parut se rassurer un peu. « Fritz, me dit-il d'un air solennel, tu es un savant, tu as étudié bien des choses dont je ne connais pas la première lettre. Eh bien, apprends de moi qu'on a toujours tort de rire de ce qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas sans raison que j'appelle cette femme la peste noire. Dans tout le Schwarzwald, elle n'a pas d'autre nom. Mais c'est ici, au Nideck, qu'elle le mérite surtout. » Et le brave homme poursuivit son chemin sans ajouter un mot. « Voyons, Sperver, explique-toi plus clairement, lui dis-je, car je n'y comprends rien. Oui, c'est notre perte à tous, cette sorcière que tu vois là-bas. C'est d'elle que vient tout le mal. C'est elle qui tue le comte. Comment est-ce possible? Comment peut-elle exercer une semblable influence? Que sais-je, moi? Ce qu'il y a de positif, c'est qu'au premier jour du mal, au moment où le comte est saisi de son attaque, vous n'avez qu'à monter sur la tour des signaux, qu'à promener vos regards sur la plaine, et vous découvrez la peste noire, comme une tache, entre la forêt de Tübingen et le Nideck. Elle est là, seule, accroupie. Chaque jour, elle se rapproche un peu, et les attaques du comte deviennent plus terribles. On dirait qu'il l'entend venir. Quelquefois, le premier jour, au premier frisson, il me dit « Gédéon, elle vient. Moi, je lui tiens le bras pour l'empêcher de trembler. » Mais il répète toujours en bégayant, les yeux écarquillés. « Elle vient. Oh, oh, elle vient. » Alors, je monte dans la tour de Hugues. Je regarde longtemps. « Tu sais, Fritz, que j'ai de bons yeux. » À la fin, dans les brumes lointaines, entre ciel et terre, j'aperçois un point noir. Le lendemain, le point noir est plus gros. Le comte de Nideck se couche en claquant des dents. Le lendemain, on découvre clairement la vieille à deux portées de carabine dans la plaine. Les attaques commencent, le comte crie. Le lendemain, la sorcière est au pied de la montagne. Alors le comte a les mâchoires serrées comme un étau. Il écume, ses yeux tournent. Oh, la misérable! Et dire que je l'ai eu 20 fois au bout de ma carabine et que ce pauvre comte m'a empêché de lui envoyer une balle. Il criait « Non, Sperver, non, pas de sang !» Pauvre homme, ménagez celle qui le tue, car elle le tue, Fritz, il n'a déjà plus que la peau et les os. Mon brave ami Gédéon était trop prévenu contre la vieille pour qu'il me fût possible de le ramener au sens commun. D'ailleurs, quel homme oserait tracer les limites du possible ? Chaque jour ne voit-il pas étendre le champ de la réalité? Ses influences occultes, ses rapports mystérieux, ses affinités invisibles, tout ce monde magnétique que les uns proclament avec toute l'ardeur de la foi, que les autres contestent d'un air ironique, qui nous répond que demain il ne fera pas explosion au milieu de nous? Il est si facile de faire du bon sens avec l'ignorance universelle. Je me bornais donc à prier Sperver de modérer sa colère et surtout de bien se garder de faire feu sur la peste noire, le prévenant que cela lui porterait malheur. « Bah, je m'en moque, » dit-il. « Le pis qui puisse m'arriver, c'est d'être pendu. C'est déjà beaucoup trop pour un honnête homme. Eh, c'est une mort comme une autre. On suffoque, voilà tout. J'aime autant ça que de recevoir un coup de marteau sur la tête, comme dans l'apoplexie, ou de ne pouvoir plus dormir, fumer, avaler, digérer, éternuer, comme dans les autres maladies. Pauvre Gédéon, tu raisonnes bien mal pour une barbe grise. Barbe grise tant que tu voudras, c'est ma manière de voir. J'ai toujours un canon de mon fusil chargé à balles au service de la sorcière. De temps en temps, j'en renouvelle l'amorce, et si l'occasion se présente... » Il termina sa pensée par un geste expressif. « Tu auras tort, Sperver. Tu auras tort. Je suis de l'avis du comte de Nideck, pas de sang. Un grand poète a dit « Tous les flots de l'océan ne peuvent laver une goutte de sang humain. Réfléchis à cela, camarade, et décharge ton fusil contre un sanglier à la première occasion. » Ces paroles parurent faire impression sur l'esprit du vieux braconnier. Il baissa la tête et sa figure prit une expression pensive. Nous gravissions alors les pentes boisées qui séparent le misérable hameau de Tiefenbach du château du Nideck. La nuit était venue. Comme il arrive presque toujours après une claire et froide journée d'hiver, la neige recommençait à tomber. De larges flocons venaient se fondre sur la crinière de nos chevaux, qui hennissaient doucement et doublaient le pas, excités sans doute par l'approche du gîte. De temps en temps, Sperver regardait en arrière, avec une inquiétude visible, et moi-même je n'étais pas exempt d'une certaine appréhension indéfinissable, en songeant à l'étrange description que le piqueur m'avait faite de la maladie de son maître. D'ailleurs, l'esprit de l'homme s'harmonise avec la nature qui l'entoure, et pour mon compte, je ne sais rien de triste comme une forêt chargée de givre et secouée par la bise. Les arbres ont un air morne et pétrifié qui fait mal à voir. À mesure que nous avancions, les chênes devenaient plus rares. Quelques bouleaux droits et blancs comme des colonnes de marbre apparaissaient de loin en loin, tranchant sur le vert sombre des mélèzes. Lorsque tout à coup, au sortir d'un fourré, le vieux bourg dressa brusquement devant nous sa haute masse noire, piquée de points lumineux. Sperver s'était arrêté en face d'une porte creusée en entonnoir entre deux tours et fermée par un grillage de fer. « Nous y sommes !» s'écria-t-il en se penchant sur le cou de son cheval. Il saisit le pied de serre et le son clair d'une cloche retentit au loin. Après quelques minutes d'attente, une lanterne apparut dans les profondeurs de la voûte, étoilant les ténèbres, et nous montrant, dans son auréole, un petit homme bossu, à barbe jaune, large des épaules, et fourré comme un chat. Vous eussiez dit, au milieu des grandes ombres, quelque gnome traversant un rêve des Nibelungen. Il s'avança lentement et vint appliquer sa large figure plate contre le grillage, écarquillant les yeux et s'efforçant de nous voir dans la nuit. « Est-ce toi, Sperver ? » fit-il d'une voix enrouée. « Ouvriras-tu, Knapwurst ? » s'écria le piqueur. « Ne sens-tu pas qu'il fait un froid de loup ? » ?»« Ah, je te reconnais !» dit le petit homme. « Oui, oui, c'est bien toi. Quand tu parles, on dirait que tu vas avaler les gens. » La porte s'ouvrit et le gnome, élevant vers moi sa lanterne, avec une grimace bizarre, me salua d'un « Willkommen, Herr Doktor !»« Soyez le bienvenu, monsieur le docteur !» qui semblait vouloir dire « Encore un qui s'en ira comme les autres !» Puis il referma tranquillement la grille pendant que nous mettions pied à terre et vint ensuite prendre la bride de nos chevaux.